Hello, hello. On m'entend bien là ? Hello, hello. C'est Boogie qui va commencer. Il est 21h01. On laisse tourner le générique. Et oui, c'est Boogie qui va commencer. Je suis avec la fine équipe. Autour de moi, il y a Muriel. Bonsoir. Il y a Pascal. Salut, salut David. Salut Muriel. Salut Véro. Et Véro à la technique, bien entendu. Hello, hello. Comment ça va, les amis ? Bien. Alors, Content de vous revoir. Bah oui, moi aussi. Après les déboires d'il y a une quinzaine de jours, vous êtes fort bien débrouillés. Merci. Pascal, Véro, voilà, on vous avait manqué, je pense. Non. La franchise, c'est bien. Non, non, on avait, c'est vrai que ça, le studio était un peu vide. Et puis, on aime bien quand on est tous les quatre, comme ça, entre amis. Donc, ouais. Ça fait plaisir de vous revoir, oui. Pour, voilà. Pour les échanges, c'est important. On va attaquer tout de suite dans le vif du sujet, c'est-à-dire oui. Qu'on fera les petites annonces après et puis ça va se dérouler tranquillement. Pas mal de nouveautés aujourd'hui, mais j'ai envie de commencer par un album qu'un ami à moi aimait beaucoup. J'ai pensé à lui ces derniers temps. C'était le Père Jean-Claude du Perroquet, le restaurant à Saint-Étienne. Okay, ouais, et il adorait cet album. J'ai connu ce personnage, un restaurant où on y mangeait très très bien, hein. Ouais, en bas de la Vivarèse. Ouais. Et voilà, il nous écoutait régulièrement. Et j'ai envie de partir sur un musicien australien qui s'appelle Rob Tognoni, qui est arrivé dans le milieu du blues dans les années 2000 avec des albums chez Dixie Frog. Et j'ai envie de vous passer deux morceaux. Donc une reprise de Baby Please Don't Go. Vous verrez que sa reprise, il a beaucoup écouté AC/DC, parce que AC/DC la jouait aussi. Vous verrez qu'il a, c'est presque du copier-coller, mais il y a l'énergie. Alors Rob Tognoni, c'est du gros son, les doigts dans la prise. Les potards à 11, donc les ayatollahs du blues, vous reviendrez après. C'est ça. Donc c'est un power trio, un album live enregistré en Europe, en France, au Luxembourg. Et Baby Please Don't Go, c'est un morceau de Big Joe Williams, écrit en 1935 pour le label Bluebird. Okay. Big Joe Williams jouait avec sa guitare à 9 cordes et je crois que c'est un des blues les plus joués au monde. Quoi. On se souvient des reprises d'Aerosmith, de Budgie, de Ted Nugent tout seul ou avec les Amboy Dukes. Et là, je vous propose une version presque copier-coller à celle d'AC/DC. Rob Tognoni, extrait de son album live. La chanson s'appelle, je viens de vous le dire, Baby Please Don't Go. Let's go. Honey. Mr. Christian Chauvin on drums. I'm Rob. Have a good afternoon, Wigana. Yeah. the crossword every day. Lately I've been learning to do the crossword every day. It's just one of those things that I'm gonna need to wipe my lonely hours away. Yeah, ouais, bah, ça dépotait, voilà. Il faut aimer. Et ouais, il faut aimer, ouais. Ouais. Et en effet, comme tu le disais, ça ressemble énormément à la version AC/DC. Bien sûr, il l'a écouté. Et puis, il est de Tasmanie, région reculée d'Australie. Souvenez-vous, c'est là que Bon Scott a rencontré la fameuse Rosie dont il parle si bien dans la chanson du même nom. Exact. Et ici, Rob Tognoni, cet album s'appelle Shaking the Devil's Hand Live, donc Power Blues Rock. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et ces deux morceaux étaient enregistrés en Suède. Donc, il est avec, à la basse, Albert Zander et à la batterie, un monsieur qui s'appelle Christian Schoben. Plusieurs musiciens l'accompagnent pour des concerts en Suède, au Luxembourg, en France, donc entre 1997 et 2004. C'était sorti chez Dixie Frog. Moi, je pense qu'il faut avoir cet album. Là, ça met une bonne dose d'énergie le matin quand on se lève, quoi. Ouais, Dixie Frog qui collectionne quand même les très bons bluesman. Ouais, qui a un super catalogue et puis ouais, ça continue, peut-être un peu moins qu'avant, mais Dixie Frog reste un très très bon label français. Très bon label, et j'aimais beaucoup quand ils sortaient leurs fameuses compiles. Ils ne le font plus. Ils ne le font plus, et puis comme nous on n'a plus trop de disques dans notre banette, voilà, la question est réglée. En tout cas, voilà, si vous aimez le blues énergique et très rock'n'roll de Rob Tognoni, je vous conseille tous ses albums. Un excellent musicien qui a sorti des albums studio qui sont très très bien aussi. Et okay, puis nous continuons, David, ouais, n'est-ce pas ? Je voulais faire une petite dédicace à une jeune fille qui nous écoute, qui s'appelle Madame Houille et qui fait partie de la bière. Voilà, elle comprendra. Et je sais qu'elle m'écoute, alors je lui fais des gros bisous. Ben voilà, c'est chouette. Un bien bonjour et puis on l'embrasse. Ouais. Voilà. Et nous continuons, les amis, avec le dernier album des Red Beans and Pepper Sauce, donc qui s'appelle Supernova et porte bien ce titre. Ouais, avec le génial, que je trouve génial, mais il n'est peut-être pas si génial que ça, Laurent Galichon à la guitare. Ah, bien sûr. Donc il a été réalisé et produit, cet album, par Nico Sahan. Donc c'est une grosse production clinquante que certains pourront ne pas apprécier. Moi, personnellement, je trouve que ça correspond parfaitement à la musique du groupe. Vous avez Jessica Hackey à la voix, Laurent Galichon donc à la guitare, Serge Osier au keyboards, Pierre Cordier à la basse et Nico Sahan donc à la batterie. Et sur cet album, ils ont réussi à avoir des guests de très très grande classe, avec notamment Fred Chapelier, Johnny Gallagher, Manu Lanvin, Bonnefields, Rabbi Mouti, Fred Wesley. Alors là, Fred Wesley, mon pote, c'est James Brown, hein, n'est-ce pas? Yarol Poupeau, Sax Gordon, Emmanuel P. D. Diop. Donc énormément, énormément de guests pour cet album qui est clinquant, qui a une production énorme. Et je vous propose d'écouter un titre qui s'appelle « I want to take you higher ». Higher, c'est un morceau de Sly and the Family Stone, revisité par les Red Beans. Et cet album, c'est un véritable coup de maître. Donc on est bien sur le 89.5. Ouais, on en parle après si tu veux, David. Ça va chauffer là, je pense. Ouais. Écoutez bien la prod et puis la manière dont il joue. Cet album, c'est un gombo de funk, de rhythm and blues, de soul. Ça part vraiment dans tous les sens et ça garde une réelle unité quand même. Donc les Red Bean Pepper Sauce, dernier album Supernova, avec ce morceau « I want to take you higher ». Boom. Hey. Ouais, alors là, ça dépote grave. Cette version est magnifique. Ouais, je connais pas la version originale de Sly and the Family Stone, mais j'imagine que... Ouais, moi, je trouve cet album énorme parce que c'est une ode à la bonne humeur, quoi. Quand t'écoutes ça le matin, ça fait vraiment du bien. Bon, ouais. Pour avoir Fred Wesley au trombone, Bonnie Fields à la trompette et énormément de guests, je vous l'ai dit, cet album, c'est une réunion de stars. Ils ont réussi à avoir énormément de monde avec eux, ce qui n'empêche que c'est un groupe que j'adore. Ça donne envie de bouger son corps, en tout cas. Oui, à fond, ouais. Le rythme est bon. Voilà, et l'album, il le présente de cette manière. Supernova est un voyage cosmique intérieur, un tourbillon incandescent au plus profond de soi, où les harmonies se frôlent puis s'embrasent et donnent vie à une supernova brûlante et mystique qui illumine l'âme et le cœur. C'est exactement ça. Et je vous propose de continuer avec un morceau qu'ils ont écrit qui s'appelle « Same Old Story », chanson écrite par le guitariste Monsieur Galichon. We'll be right back. ouais. On aime ça. 11 titres, dont une reprise que nous avons écoutée précédemment. Dans ce genre de morceaux, il y a plusieurs morceaux à la fois. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est ça, une ça richesse inouïe. Ça fait un peu medley, mais on sent un Laurent Gadichon aussi très puis, à l'attaque. Quoi, la superbe voix de Jessica, que j'aime carrément, beaucoup. Carrément. Ils savent faire de la bonne musique, ils n'ont pas besoin de tous ces guests. C'est sûr que ça apporte un plus. C'est ça sûr. Apporte un plus, mais ils savent écrire de superbes chansons. Donc il est sorti cet album chez Soka Disc, Rhythm Design, donc on trouve ça un peu de partout. Ça s'appelle Supernova. Moi j'aime beaucoup le visuel et l'album donc a été produit par Nico Saran parce que la production est très très soignée. On l'entend vraiment. Et je vous propose un troisième morceau. Red Bean, c'est quand même le groupe du sud rock blues qui monte en flèche et qui est reconnu quoi. Puis Boogie à 27 ans c'était uniquement du blues et au fil des ans on a varié les plaisirs et c'est vrai que maintenant il y a du blues, de la soul, du rhythm and blues et parfois du bon vieux rock'n'roll. C'est tout ce qui fait le plaisir de passer ce moment ensemble. Exact. Et si tu veux bien, David, Muriel, Véro, on va passer un troisième morceau. Oui, avec plaisir, allez. Parce que quand il y a une qualité pareille, on ne va pas dire non. Ouais, ça sera un peu l'album du mois, ouais. Et c'est toujours écrit par M. Gadichon, ça s'appelle Another Way, c'est la plage 10 donc, de l'album qui s'appelle Supernova. Allez-y, achetez-le. Si vous ne pouvez pas l'acheter, vous le savez, vous le volez. Voilà, il vous faut cet album à la maison pour partir d'un bon pied le matin. Donc, c'est parti sur le 89.5. Boogie. Cet album est magnifique, on en repassera dans les prochaines émissions. Ouais. Et ils seront dans le coin, pas plus tard qu'au mois de mai, à la Halle Blues Club, qui est rendu l'autre jour. Ouais, c'est ça. Là où j'ai vu, je m'excuse, j'ai mis le téléphone en marche, et là c'est monsieur Fred Chapelier, qu'on ne veut pas écouter aujourd'hui. Où j'ai eu le grand honneur de voir monsieur Grant Aoua. On en parle tout à l'heure. Ouais. Ouais, et le 27 mai, en effet, Red Bean and Pepper Sauce. Et je pense que dans cette petite configuration, ça va chauffer là-bas. Ouais. Ouais, très très bon album. Donc on le trouve de partout. Et très varié. Voilà, ouais. Il n'y a pas un morceau qui ressemble à l'autre. Et ils savent écrire de superbes chansons, ces jeunes-là. Ouais, c'est ça. Après, moi, j'ai du mal à les voir dans leur configuration à 4 ou à 5 dans la petite salle, très très belle salle de la Hall Blues, mais c'est pas la première fois qu'ils organisent ça. Voilà. En tout cas, ils sont dans le coin. Ouais, la Hall Blues avec une gestion quand même associative, et il faut saluer ça parce que depuis des années, ça tourne de cette façon. Et moi, j'ai été bien accueilli et j'ai trouvé ça à Pélussin, dans le village de Pélussin. Et un très beau cadre. Ouais. Ça a été créé par monsieur Porchereau. C'est ça. Que j'ai eu le plaisir de rencontrer et avec qui on a échangé quelques mots. Voilà. Ben, on se retrouve le 27 mai. Le 27 mai, voilà. Moi, je vais essayer d'y aller parce que je ne les ai encore jamais vus. Et je vais essayer de ne pas manquer ça. Voilà. Donc, rendez-vous est pris à la Hall Blues Club le 27 mai. Et nous continuons, David, et puis je te laisse présenter cet album donc, qui est encore... on tourne autour du blues, voilà. Voilà, c'est ça. C'est un peu une découverte de quelqu'un qu'on avait écouté et beaucoup diffusé. Oui, qu'on avait interviewé en direct à la radio. C'est Rachel Pla. Rachel Pla, harmoniciste virtuose. Virtuose, qui a quand même un petit peu changé de registre. Oui. Et puis qui avait un petit peu disparu des radars aussi. Faut et je suis très très content d'avoir reçu cet album. On peut remercier le groupe et l'attaché de presse. Donc je te laisse en parler, David. Madame, je te laisse le présenter. Eh bien oui, ils ont associé leur univers musicaux. Elle est chanteuse à la voix très feutrée. Et puis comme tu l'as dit, c'est une virtuose de la guitare. L'harmonica. De l'harmonica. Lui, il est un très bon guitariste. Sur cet album, il a joué pratiquement tous les instruments, donc multi-instrumentiste. C'est monsieur Philippe Herouette, c'est ça? Monsieur Philippe Herouette. Ils ont formé le groupe Plas and Herouette Band. Voilà. Et c'est un registre très poppy et celtique aussi. Oui, on s'éloigne du blues. Moi, j'aime beaucoup ce disque de par les paroles en français ou en anglais. On s'éloigne du blues, mais je dirais que les parties d'harmonica sont présentes. Et puis, c'est pas dérangeant, quoi. On n'est pas non plus dans la variété. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est un hommage à la belle Bretagne de Philippe Herouette aussi. Exactement. Je pense. Puis, il y a quelques chansons en breton. Sinon, c'est moitié français, moitié anglais. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On va tout de suite écouter un morceau parce que je pense que... Je voulais simplement dire qu'on les aura peut-être en interview téléphone d'ici un mois, je pense. Hein. Alors carrément, peut-être dans 15 jours, si tout se passe bien, en direct vers 9h30 dans le prochain Boogie. Si tout ça colle, j'ai eu l'attaché de presse tout à l'heure et probablement qu'on pourrait faire ça. Wow. On envoie tout de suite le morceau pour lequel j'ai un faible, This Place. It was a sunny day in July when she saw this place on her phone. She say, I know it's too expensive, but do you want to come see what happens? This place, my place, her place, this place. This place for my love, my sons, our from the outside it looked like it had been was a magical feeling, like the house had been waiting. We gave everything to get it, and we are thrilled to move in. This place, my place, her place, this place. This place for my love, my sons, our praise. Rachel Plat et Philippe Hervouet dans Plat and Hervouet Band. J'aime beaucoup. T'aimes beaucoup ? Ouais, j'aime beaucoup. Côté folk, les harmonies très présentes. C'est ça, c'est ça. Cette petite harmonica derrière qui distille quelques notes. Et puis, Philippe Hervouet est un multi-instrumentiste, il faut le dire. Hein. Très doué, quoi. Parce ouais, que... très doué. Ouais. Il est à la prod, il a arrangé. Seuls quelques musiciens sur une chanson, quelques musiciens additionnels participent à cet album. Et moi, je trouve qu'il y a un gros boulot derrière, quoi. Ouais. De production, d'arrangement. Et ben elle a toute la liberté avec son harmonica pour placer voilà. On sent que c'est travaillé quand même, mais le résultat ouais, est là. Puis on est des Bretons de cœur. En plus, donc on ne peut que saluer cette initiative. Il y a des chansons en anglais, en français et en breton. Exactement. Voilà. Et on continue ouais, avec un autre feeling. Un autre feeling dans une chanson aussi très celtique à mon goût. Il s'agit de La Terre fait ce qu'elle pleut. Y'a la brume, les sonneurs, le soleil, quelques heures. Y'a le vent, le crachin qui s'invite au festin. Les marins, les pêcheurs avec la main sur le cœur. Et y'a l'envie, le désir fort de t'accueillir. Viens comme tu es, fais comme tu veux. Viens quand tu veux. Zoom sur une ville, tu verras, c'est facile. Viens à pied ou par le train, avec ou sans escarpin. Y'a ici, dans chaque verre, un inséminateur de rêves. Un plumeau pour chasser toutes tes mauvaises pensées. Viens comme tu es. Les croyances, les légendes, on est fait pour s'entendre. Des merveilles tout autour comme à Kuala Lumpur. Des images plein les yeux, la terre fait ce qu'elle pleut. We'll Ouais, ça joue bien. Ça joue bien, mais ça a amené un peu de débat autour de la table de Boogie. Tout le monde n'était pas trop d'accord sur le fait que, voilà. Mais c'est bien, c'est bien. Moi, j'aime beaucoup cette ambiance bretonnante. Puis il y a cette harmonica blues derrière. Ouais, qui Philippe Herouet, superbe guitariste. Il n'en fait jamais trop. Hein. Ouais, je trouve juste aussi. Juste ce qu'il faut. Et je trouve que c'est une belle découverte. Ils sont ensemble à la vie comme sur scène. Je crois qu'ils sont en tournée ces derniers temps. C'est ça. Et on espère vraiment les avoir en interview tous les deux pour qu'ils nous parlent un peu de la conception de l'album, de l'idée générale autour de ce disque. Ouais. Donc, sa voix ne fait pas l'unanimité, mais moi je ne crains pas du tout. Ouais. Sur ce titre à la batterie, c'est Laurent Faucheux. Voilà. Un très musicien bien. Additionnel. Et pour le reste, mandoline, ukulélé, basse, c'est monsieur Philippe Herouet. Ouais, multi-instrumentiste de talent. Et on en repassera, bien entendu. Ouais. L'album est disponible de partout. Là, c'est voilà. Pareil. Donc n'hésitez pas. On a eu la chance de le recevoir en exclusivité et avant tout le monde. On peut quand même le dire. Ouais, ah, c'est vrai, que ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. C'est chouette. On remercie l'attachée de presse, Madame Chazé, qui nous a envoyé l'album. Oui, merci, Madame Chazé. Et puis, on espère l'interview. Et qu'ils viennent un peu dans la région de Saint-Étienne, ça serait pas mal de les voir. Ah oui, on se déplacerait, ouais. Parce qu'ils sont en tournée et ça marche pas mal pour eux, ouais. Ouais. Donc, pas mal de succès, ouais, c'est ce que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. Philippe Herouet, Rachel Place, avec quelques musiciens additionnels. Donc n'hésitez pas. Alors c'est sûr que le fan de B.B. King va nous appeler en disant « Ouais, c'est plus du blues, Boogie. » Bah écoute, tu sais quoi, mon gars, on t'emmerde. Carrément ça. Et puis si tu écoutes vraiment tous les mercredis, tu verras qu'il y a vraiment beaucoup de blues encore. On continue justement avec du blues. Et je voulais vous parler d'un label mythique qui a eu une durée de vie assez courte, hein, puisque le propriétaire, on l'a retrouvé dans le lac Michigan avec un bloc de ciment aux chevilles. La police a conclu un suicide. Voilà. Ce label, c'est Cobra Records, label de West Side de Chicago. Des histoires typiquement blues. Exactement, mais c'était un homme d'affaires véreux qui frayait avec la mafia et l'East Toscano. Il n'empêche qu'il était d'abord marchand de disques et il réparait des télévisions, des choses comme ça. Il avait créé un premier label qui n'avait pas eu de succès, qui s'appelait Abco Records. Et en 1956, il fonde Cobra Records et il enregistre des jeunes musiciens du West Side de Chicago comme Magic Sam, Otis Walsh et des plus anciens comme J.K. Horton, Orson Elliott Slim. Donc il était associé à un mec qui s'appelait Howard Bednow et il a eu la chance d'avoir avec lui monsieur Willie Dixon qui était un peu mal chez Chess Records et qui a rebondi donc sur le label Cobra. Et quand on a monsieur Willie Dixon qui est producteur, arrangeur, rechercheur de talent, musicien, ça le fait quoi. Ouais, et je vous propose un mix de 8 morceaux, ça nous permettra d'aller boire des bières quoi. Allez, exact. C'est parti. Donc ça va de Magic Sam à Otis Rush et puis je vous dirai un peu le nom des autres musiciens. Un mix Cobra Records, extrait d'un album, d'un double album que l'on trouve à 10€, qui retrace les belles années de ce label donc fondé par Eli Toscano. Donc on y va, ça commence par Otis Rush et son fameux Double Trouble. Keep a job, laid off from having double trouble. But hey, hey, yeah. They say you can make it if you try. Yeah, some of this generation is millionaires. It's hard for me to keep decent clothes to wear. Thank you. place to go. Bad luck and trouble taking me. I have no money to show. But hey, hey, to make it you got to try. Baby, that's no lie. This generation is millionaires. It's hard for me to keep these clothes to wear. She knocked me out. Oh yeah. Oh yeah. Crazy about you, baby. Every time you leave, stay mine. Give me fever when you hold me tight. No, I'm really gonna love you right. The way you love me makes me wanna shout. Crazy about you, baby, 'cause she knocked me out. Oh yeah. My one and only pride. You, baby, 'cause you knocked me out. Oh yeah. Oh yeah. You send me pretty, baby. Every time you leave, stay fine. Oh yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Crazy about you, baby. Every time you leave, stay fine. Get back, liquor. Come on, roll. Don't need nothing but money and clothes to have a good time. Just to have a good time. We're gonna have a good time. We're gonna rock and roll all night long. Time. Cobra Records, West Side de Chicago dans les années 50. Il y a un grain sur ces morceaux qui sont inimitables, quoi. Voilà, c'est enregistré entre 1956 et 1959. Alors, on a pu écouter un gars qui a influencé des petits blancs qui s'appelaient Eric Clapton, Jimmy Page, Keith Richards. Rien que ça. Ce monsieur s'appelait Otis Rush, donc je vous l'ai dit, avec le morceau Double Trouble. On a continué avec She Knows Me Out de Harold Burridge et The Willie Dixon Band. Have a Good Time par l'harmoniciste, un de mes harmonicistes préférés qui s'appelait Walter Chicky Horton. Don't Leave Me par Clarence Jolly. Easy Baby, une chanson très très sexuelle de Magic Sam. Highway 61 de Sunnyland Slim. Et Little Chicky par Jimmy Kelly et The Rockabits. Alors le West Side, le Soft Side, ça fait rêver. Un pote encore l'autre jour me disait ça devait être bien et tout. Faut pas rêver, ces quartiers là c'était des ghettos noirs où régnait la violence, la prostitution, la c'est drogue, ça, la ouais. surpopulation c'est et ça. Il y a eu Cobra Records, donc qui est le label étalon, on va dire, du West Side. Et on peut considérer d'autres musiciens qui venaient de, qui étaient dans ce courant musical, des mecs comme Luther Allison, comme Buddy Guy, Eddie C. Campbell, Jimmy Dawkins, tous des musiciens virtuoses qui jouaient un blues assez différent de ce que pouvait faire Muddy Waters ou Howlin' Wolf au début des années 50. Voilà. Donc, achetez cet album, Cobra Records en deux CD, l'anthologie. C'est disponible à 10 euros et il ne faut pas s'en priver. Ouais, sinon, chez Cobra Records, il y avait des artistes qui étaient extrêmement reconnus. Bah, bien sûr, Otis Rush, Magic Sam. Otis Rush, ouais, voilà. Voilà c'est lui que je cherchais. Ouais. C'est ce que je te dis, ces mecs, ils ont influencé des Clapton et toute la bande. Quoi. Ah bah oui, et Magic Sam était un guitariste extraordinaire qui a eu une vie assez courte, malheureusement. Mais il n'enregistre pas que ça. Hein. Il y avait Sonny Slim, enfin tous ces musiciens. Jetez-vous sur cette compilation, elle est vraiment, vraiment bien. Et puis, on plonge direct dans les années 50. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, mais on y est, quoi. Ah bah ouais, carrément, par la sonorité et puis par cette qualité, ce grain, ce son d'enregistrement. Qui est typique de l'époque, ouais. Voilà, donc je te laisse continuer, David, avec une nouveauté encore. Ouais encore et une puis, nouveauté. Une nouveauté. Tu l'as vu en concert. Ouais, une nouveauté d'un artiste qui, lui, commence à faire parler de lui depuis, on va dire, 5 ou 6 ans, hein, puisque son premier album la sortie de son premier album, je crois, avait été retardée par le Covid. 2021, je crois, ouais. Ouais, 2021, mais il l'avait fait légèrement avant, il n'avait pas pu le sortir en Europe. Voilà, il s'agit de Monsieur Grant Aoua. Alors moi, je dis Aoua, mais... la prononciation, c'est plus Grant. Je sais pas. Toi. Grant, je sais pas. C'est un musicien. On était avec un Australien tout à l'heure qui venait de Tasmanie. Et lui, là, il on est avec un Néo-Zélandais. Un Néo-Zélandais d'origine maori et avec quelqu'un d'extrêmement sympathique. Alors voilà, il y a des soirées comme ça qu'on n'oublie pas. On avait fait une petite expédition avec JB des Deep Down, Chantal et Jamel. Donc JB, on te salue, hein, bien sûr. Et on est tombé tout de suite sur lui. Alors JB le connaissait bien puisqu'ils avaient eu la chance de faire la première partie de son groupe, c'était en juillet 2022 à la distillerie au Puy. C'était les premières tournées de Monsieur Grant Aoua en Europe, en France. Et on est tombé sur un personnage qui ne maîtrise pas très bien le français, c'est dommage, mais qui était vraiment très très sympa. Et dès qu'il a reconnu JB, ouais, il nous a vraiment très bien accueillis. Donc être accueilli par l'artiste lui-même, c'était c'est bien. Chouette. Et quelques minutes après, il s'est installé dans son costume de scène et il a pris la guitare. Et là, il présentait son dernier album qui est acoustique, toujours chez Dixie Frog. Et là, moi, j'ai pris une grande claque parce que je ne l'ai jamais vu avec son groupe, mais je savais que j'allais allez être impressionné. Et j'ai été très, très impressionné par la qualité de son chant, par la puissance de son jeu, très puissant en fingerpicking. Et puis surtout cette qualité de voix, cette façon de chanter, que ce soit des reprises ou des morceaux très, très personnels, des ballades. C'était à chaque fois excellent. Et puis cette proximité, on était à peine une centaine de personnes. Donc il est très, très près de vous. Et moi, j'ai passé une soirée exceptionnelle. Voilà. C'était à l'Al Blues Club de Pélussin. Bien sûr, j'ai oublié de le préciser, à l'Al Blues Club dont on a parlé tout à l'heure. Et ce que je vous propose, c'est que comme le CD est vraiment très représentatif de la soirée que j'ai vue, c'est d'écouter tout de suite le premier morceau qui s'appelle « Bad Man ». Like a cold drink on a hot Kawe Grandaoua sur son dernier album acoustique Tahanga. Alors c'était pas Batman. Hein. Alors c'était pas Batman. Une petite erreur de ma part, c'était So Lonely. On écoutera Batman tout à l'heure. Ouais, je te parlais en off de la qualité de son jeu guitaristique, de sa puissance, mais aussi de la gentillesse, voilà. Et il a accepté de faire une quantité astronomique de rappels. Et il s'est prêté avec voilà, et on sent que ce gars est habité par quelque chose qui vient certainement de son pays. Et voilà, j'ai relevé quelques petites anecdotes aussi de son enfance. Il parle souvent de son enfance et dans une interview il a dit: j'ai commencé la guitare à 13 ans et mon petit frère en avait reçu une à Noël, et j'ai remarqué que ça attirait bien les filles à l'école. Je me suis dit: bordel, il faut que j'ai un truc comme ça. Malheureusement pour moi, mon frère était beaucoup plus beau que moi et aussi il jouait beaucoup mieux que moi. Comme mon plan n'a pas fonctionné comme j'avais prévu, et ben j'ai continué à jouer de la guitare et j'en joue toujours depuis. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il est quand même dans cette philosophie de guitariste habité depuis qu'il est jeune et petit. Et moi, je l'ai trouvé exceptionnellement humble et quelqu'un d'une grande qualité. Je me souviens que sur son premier album, il y avait des influences maori qu'on ressent peut-être moins en acoustique. Ouais, beaucoup moins, ouais, parce que là, on est plus sur du blues traditionnel quand même. Et il nous a gratifié aussi de quelques... Alors, je ne me rappelle pas toutes, mais de quelques reprises, ouais, notamment de Jimmy Ray Vaughan, de Creedence, et aussi bizarrement de Rod Stewart's Maggie, qui était complètement méconnaissable. Ouais, ce genre de personnage, il suffit de lui mettre une guitare et ça joue toute la nuit. Ouais, c'est ça, c'est carrément ça. Et puis, une interaction avec le public où il regarde, et puis où on sent vraiment... Quand il est parti dans un morceau, il est complètement habité et il va jusqu'au bout du truc, quoi. Bon, on écoute un deuxième morceau. Allez, tout de suite, on écoute cette fois Batman. Thank you. Taoua sur le 89.5, vous êtes bien dans Boogie. J'ai lu des articles le concernant sur divers, différents magazines, c'est du 4 étoiles à chaque fois quoi. Hein. Ouais c'est ça, comme ouais. On disait tout à l'heure, premier album classé par Rolling Stone parmi les 25 meilleurs albums de l'année. C'est vrai. Alors qu'il arrivait de sa contrée de Nouvelle-Zélande, complètement inconnu du grand public. Voilà. Ouais, là, le Blues Club, ils reçoivent énormément de gens. Il y a pas mal de concerts. Chez l'ami Jean-Claude aussi, qui nous écoute à l'entrepôt, il y a pas mal de trucs aussi. Oui, alors, si c'est vous sûr voulez... qu'il passe des bons trucs à l'entrepôt. Voilà, il y a un endroit aussi où il faut qu'on aille manger et boire des coups, c'est au Roadhouse à Dargoire. Oui. Il y a énormément de choses. Alors ça, vous le voyez sur la page Facebook. Et Grand Owa, on va le publier et encore, parce que cet album est magnifique. Voilà. Et comme il le dit sur le texte que j'ai lu rapidement, là, il y a différentes façons de jouer le blues selon son feeling, son comment on est et tout ça. L'approche, il y a un texte très intéressant. Sur l'approche du blues. Ouais. Sur son approche de la musique, oui, sur l'album. Vraiment, vraiment bien. Et tu m'as dit que le concert était filmé ? Ouais, le concert a été filmé et le concert était sold out. Ah oui, j'ai pas précisé quelque chose et qu'il fallait vraiment pas être tartare et qu'on était vraiment serré comme des sardines parce que c'était plein à craquer. Alors il était filmé, oui, toujours pareil, hein, par les mêmes. Par Ekel et Jekyll. Ouais, voilà, par eux précisément. Je vous oublie pas. Sinon, moi j'ai trouvé quand même que dans le public, il n'y avait pas que des ayatollahs du blues, il y avait aussi des gens qui étaient venus plus ou moins en famille. C'est sympa. Pas, ouais. Et ça faisait quand même une diversité. Ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois, on a affaire qu'à des gens où on voit un petit peu toujours les mêmes têtes et qui s'autoproclament connaître bien la musique et bien mieux que les autres, surtout. Oh, mais les deux, là, les deux Scorsese and Co, là, ils sont en manchette de partout. C'est ça, ouais. On peut parler. Hein, de... Ils sont sur. Puisque tu parles de Scorsese, on peut parler de mafia. Non. On n'ira pas jusque là. N'oubliez pas au mois de mai, Red Bean and Pepper Sauce à la. Alors je me suis trompé, c'est pas le 27, c'est le vendredi 22. Voilà. 22 mai, Red Beans, c'est ça. And Pepper Sauce. Allez-y et n'oubliez pas de réserver vos places parce que voilà, c'est pas très grand à le Blues Club. Bah, tu sais quoi, je reprendrai bien une rafale de Grand Awa. Eh ben écoute, moi je peux te proposer le quatrième morceau qui est plus une balade et on peut s'écouter si vous êtes d'accord. Better Day. Life can deal you some cruel blows. How much it hurts, no one else can know. And I ain't got thick skin. It could be hard for me to get back up again. It gets so rough, and you feel like you're sinking. You feel like giving it all. But maybe tomorrow, maybe tomorrow, be a better day. Some roads lead into the dark. It's hard to tell that once you start. think you were yesterday. When it gets rough and you feel like you're sinking, you feel like giving it all away. But maybe tomorrow, maybe tomorrow will be a better day. A better day. Superbe balade. Une voix tellement sucrée, magnifique, tellement douce. Ouais. Il sait grogner le blues, ouais. Il sait susurrer quelques textes comme ça. Ouais, il sait à peu près tout faire parce qu'à un moment, il a su hurler aussi son blues. Et ouais, il est dans toutes les positions de blues possibles. Et on salue JB avec Deep Down. Est-ce qu'ils ont des concerts ces jours-ci? Ouais, et je m'en veux parce que j'ai pas noté. Alors, c'est pas tout de suite, mais ils vont repasser dans un bar. Ben, on aura l'occasion la prochaine fois d'annoncer le concert sans problème. Et encore merci à toi, JB, pour avoir organisé tout ça. Le transport, merci pour le CD, merci pour les bières, merci pour tout. Et voilà, merci d'être le JB qui me supporte dans tous les concerts. Et puis le CD dédicacé à Boogie. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. La et classe, ça, monsieur Awa. Et ça, merci, monsieur Awa. On continue avec Muriel, donc, qui a choisi un morceau qu'elle aime, qu'elle apprécie. Bah, tu vas nous en parler, Muriel. Oui, un petit peu. Donc, c'est Mélissa Lavaux. Donc, elle est née à Montréal, elle, mais sa musique, c'est d'influence haïtienne de par ses parents, et de blues et du folk. Voilà, donc le morceau que je vous ai choisi ce soir, c'est Nam Fon Bois. Et en fait, c'est la reprise d'un chant folklorique haïtien de 1969. Voilà, elle le reprend en 2017. Et voilà. C'est une personne qui était passée au fil et qui avait donné un superbe concert. Véro, tu y étais. Et une personne très sympa aussi, ouais. qui mêle des influences folk, blues et puis voilà. Bien sûr de son île d'Haïti. Oui, voilà. Oui. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, cette personne. C'est très, très chouette. Je trouve que c'est très chaud comme musique et elle a une très belle voix. Voilà. Qu'est-ce que tu as choisi comme morceau? Donc, Nan Fon Bois de 2017. Ah, c'est du créole, hein? Oui, c'est du créole. C'est pas du gaga stéphanois, hein? Donc, Mélissa Lavaux, c'est toujours un bonheur de l'entendre. Donc, vous êtes bien sur le 89.5 Radio Audio, il est 22h30. On y va. Merci, Muriel. Je t'en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada. Valley rarité. Gueye love, gueye rivière coulée, gueye fleur, gueye belle monde, gueye danser. Version live. Version live. Une ouais. voix extraordinaire. Hein extraordinaire, les... complètement. Oui. C'est original, ouais. Hein, très, très. Elle est particulière. Elle chante en français aussi. Elle a des textes. Elle a un morceau qui était bien passé en radio aussi, qui avait oui. eu sur cet album, qui est cet extrait d'album radio. Radio Siwa. C'est ça. Donc c'était l'album qu'elle était venue présenter au fil il y a quelques années. Oui. Et Véro l'avait vu en concert. Elle avait beaucoup apprécié. Ouais, ouais. Merci Muriel. Je t'en prie, avec plaisir. Ouais, c'était vraiment bien. Ouais. Avec plaisir. J'ai vraiment adoré aussi. Eh ben super. Oh, je suis contente. Et les amis, laissez-moi vous parler d'un bouquin totalement incroyable de par le format déjà et le travail des deux journalistes, Julien Grosso et Lorik Henton. Le livre s'appelle Rock and Road. Trip, les États-Unis en 1000 chansons de l'Alabama au Wyoming. Wow. Alors ça se lit comme un dictionnaire, c'est une grande virée à travers les États-Unis, vue par le rock'n'roll, et c'est tout à fait incroyable. Je vais vous lire le quatrième de couverture, vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Dans leur périple, ils ont identifié 10 000 chansons ancrées dans le territoire américain. 10 000 chansons racontant à leur façon la grande histoire des États-Unis et les grands mythes américains. Au terme de leur voyage, ils auront tenu les 1000 titres les plus marquants, les plus pertinents, les plus emblématiques. En un mot, les meilleurs. puis se sont plongés dans leur histoire pour vous proposer un carnet de voyage inédit qui mêle la légende du rock'n'roll à l'aventure du road trip, état par état, chanson après chanson. Je vais te poser une question, Dave. C'est donc tous les états, ils expliquent un peu les particularités de la Caroline du Nord, puisque je suis sur cette page-là, ouais. Et toutes les chansons qui concernent la Caroline du Nord dans le répertoire rock, folk, blues. État par état. Voilà. Si par exemple je te dis New Jersey. Ah ben, je pense tout de suite à M. Bruce Springsteen. Voilà, quelques titres. Il y a Jazz Eagle de Tom Waits, par exemple. Tom Waits aussi, ouais. Et puis, il y a des chansons sur Asbury Park. Exact. Donc, vous voyez un peu le genre de bouquin que c'est. Ouais, OK. C'est une mine d'informations et beaucoup des titres sont expliqués. Le lieu d'enregistrement, de quoi parle la chanson. Spécifiquement états-unien, du coup. États-Unis. C'est un travail de fou qu'ils ont fait. Puis, ils ont fait un voyage extraordinaire, ces deux journalistes-là. Julien Grosso et Laurie Canton. Donc, on peut le prendre à n'importe quel page, là, voilà, Jacksonville, par exemple. Ouais, c'est un répertoire énorme. Jacksonville, donc, c'est dans l'Illinois. Alors, l'album, c'est Jacksonville de Surfan Stevens, Illinois 2005. Tu vois, un autre exemple, on est dans l'état de Floride, Dreamville de Tom Petty and the Heartbreakers. Et il explique donc l'enregistrement et tout ça. C'est un travail de collecteur de fou et on s'amuse beaucoup à lire ce bouquin, on apprend plein de choses. Ok, ok. J'espère ouais. que vous avez compris le principe, oui, les oui, amis. Carrément, ouais, mais c'est très étonnant. Hein, ouais, ouais. C'est sorti chez Hors Collection. Donc le concept est super étonnant. Ouais, RTL, donc il vaut dans les 33 euros. Ok. C'est près de, ouais, c'est près de 1000 pages, quoi. C'est bon. Magnifique bouquin, donc qui s'appelle Rock and Road Trip, les États-Unis en 1000 chansons de l'Alabama au Wyoming. Ah ouais, wow. Très, très intéressant. On continue en musique ? Oui, j'avais quelques annonces à faire, moi. Ah, vas-y, si vas-y, tu David. Peux me permettre, oui, quelques sûr, concerts qu'il ne faudra pas louper et qui approchent. Deville Joe, c'est le 25-4 à Saint-Paul-en-Cornillon. C'est le jeudi 25, donc c'est tout bientôt. Brand New Eight, à pas rater non plus, c'est le 16 mai. C'est à Basse-en-Basset, c'est au château de Rochebaron. La particularité, c'est qu'avant d'aller au concert, on a un petit quart d'heure de marche quand même. Et là, au niveau des lumières et tout, je pense que ça peut le faire. Ouais, les Brand New Eight, le 16 mai à Basse-en-Basset. Et puis aussi, le grand festival, c'est ce week-end, c'est toujours pareil, c'est les amis de Pascal Cottier qui organisent A Good Rocking Tonight. Donc c'est toujours dans l'Ain, toujours avec les groupes de Hillbilly, Rockabilly, Rock'n'Roll, Boogie Woogie, Western Stunning, je vous cite quelques noms, Sonny George, Eddie Angel, Chuck Mead, Mark Gans Jagger, Pep Torres, Jenny Rose and the Dead Dance et Jimmy Dale. Bravo. Voilà, tu vois, j'ai fait quelques progrès. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et voilà, je suis qui pour dire ça, moi. Sérieux. Et puis sinon, oui, allez au Roadhouse et regardez la programmation. C'est à Darroire, c'est pas loin. Et apparemment, c'est un bon resto qui joue du bon rock'n'roll. Et puis, un petit message à Pascal qui nous suit sur la page Facebook. Si ça lui dit de venir présenter quelques morceaux, si elle écoute à l'émission, elle est la bienvenue. Ouais, ouais, ouais. Pascal Desernaux, ouais, ouais, qui nous écoute souvent et puis qui like beaucoup la page, qui nous suit, hein, on peut dire ça comme ça. Ouais, sans problème. Dès que je la revois, je lui propose. Alors maintenant, puisqu'on va parler du film que tu as vu, David, hein, Jeff Buckley. Oui. Jeff Buckley, donc dans un album de reprise, comme il est écrit dans les textes de l'album, c'est ses années bars, en fait, hein, quand il jouait dans les bars et qu'il était obligé de reprendre des morceaux des autres pour se faire connaître. C'est ça. Mais avec cette voix unique, parce qu'il est capable de te reprendre les Smiths ou Led Zeppelin, tout en apportant son propre feeling, et la voix se transforme carrément. C'était des capacités hors normes. Carrément, ouais. Et je préfère passer le morceau qu'on parle du film après. Ouais, t'es d'accord ? Si tu veux, sans problème. Et là, j'ai choisi, donc, vous allez voir un peu la classe qu'il a, Poor Boy Long Way From Home de Buck Howard, donc bluesman du Mississippi dont nous avons parlé la dernière fois, le cousin de B.B. King, au milieu d'une collection de chansons comme ça, où Jeff Buckley explose de talent guitaristique, sa voix extraordinaire. Écoutez, là, il est dans la peau d'un bluesman, comme il peut être dans la peau des Smiths, la chanson d'après. Allez, 89.5 Radio Joe, 22h40. This is called Poor Boy. Thank you. seek our own way. When we was down on that farm, my mother seek all that farm. They told her that it's in prison bound. Ah, ce mec-là, je l'adore. Oh là là, ouais. une capacité incroyable à se mettre dans la peau de l'interprète. Quoi. Ouais. Ouais, là, on est dans le dans delta la peau du Mississippi. Des interprètes qui l'aimaient surtout, ouais. Exactement. Ça pouvait aller de Green Day, avec qui il était très pote, on le voit bien dans le film, à des gens complètement, complètement ouais. différents. Quoi. Edith Piaf, qu'il a bien sûr jamais rencontré. Et sur le live à l'Olympia. Par exemple. Et sa passion dévorante pour Led Zeppelin, grâce à son oncle, voilà, avec qui démontait des bagnoles en écoutant Led Zepp. Et lui, il était là en tant que gamin, parce que, contrairement à ce qu'on croit, il a très très peu connu son père. Et voilà. Et l'album s'appelle You and I, il est sorti chez Columbia, donc disponible chez tous les bons dealers. Hein. Okay. Et je voudrais que tu parles un peu du film, tu l'as vu, c'est un documentaire ouais. qui était au quel ciné Méliès. Au Méliès. Voilà, il est passé seulement 3 fois, c'est un peu incompréhensible parce que les documentaires musicaux d'habitude au Méliès, eh ben, on a le temps de les voir, là il ne fallait pas le rater. Et du coup, oui, intitulé It's Never Over. Jeff Buckley, avec des témoignages et ben, de gens qui l'ont un petit peu côtoyé puis qui s'en sont beaucoup inspirés, qui l'ont beaucoup aimé. Je pense à Ben Harper ouais, qui est omniprésent dans ce documentaire, mais aussi beaucoup d'autres artistes. Ouais, je pense aux musiciens de Led Zepp. C'est simplement des témoignages ? Des témoignages et aussi ses parents et des témoignages de lui aussi, parce qu'il a fait qu'un album, mais quand même il a été beaucoup filmé. Et il a laissé beaucoup de traces de son passage éclair. Voilà. On le voit en train de jouer Oui, on le voit souvent en train de jouer, voilà, répéter quand il était jeune. On le voit ado, on le voit à toutes les périodes de sa vie, jusqu'à sa triste fin. Et c'est vrai qu'il a fait un passage éclair, mais comme il était un ovni, voilà, il avait une voix céleste. Enfin, il était toujours un peu loin de la réalité. Il ne voulait pas finir comme son père, mais finalement... Ça s'en est quand même bien rapproché, même s'ils n'ont pas eu tout à fait les mêmes destins. Son père, c'était Tim Buckley. Hein, Tim Buckley. Chanteur de folk des années 60. Exactement, voilà. Ouais, précision importante. Et moi, j'ai été subjugué par ce reportage et je vous invite à le voir dès que vous pourrez. Et on en reparlera ici. Ouais, dans Boogie. Bon, ça ne sort plus en DVD, bien entendu. Moi, je suis un vieux con. Hein. Et les DVD ne sortent plus, donc je compte sur Véro pour me le graver parce que j'ai vraiment envie de voir ce film. Ouais, je suis persuadé que les trois personnes qui sont là vont adorer ce que moi j'ai vu il y a un mois à peu près. Personnage hors norme. Complètement hors norme et d'une délicatesse et d'une intelligence et d'une sensibilité exacerbée. Qu'on devine dans son unique disque, hein, parce qu'il n'en a fait qu'un, hélas. Et, et qui permettent de mieux connaître le paysage. Ouais. Et ce fait d'être toujours à fleur de peau comme ça, ça se sent dans sa voix. Ouais, et puis il suffit de réécouter l'album Grace. Qui carrément, est un bijou. Carrément. L'album live à l'Olympia, voilà, où il balance du MC5 et derrière du Edith Piaf. C'est ça. Ça vous laisse un peu présenter le personnage. Quoi. Ça vous laisse un peu voir qui il était. Carrément ça, ouais. Il est 22h49, 22h50. On va terminer tranquillement parce que c'est un anniversaire 1976-2026, au mois d'avril. Il y a 40 ans, sortait le premier album des Ramones. Ah ouais. Et ouais, oui, ouais. Les Ramones, groupe hyper important, qui, de leur vivant, ont vendu 3 disques. Tu allais nous parler de la finale de la Coupe d'Europe en 1976. Ah non, mais pas du tout, non. Mais non. Et il y a un superbe article dans Rock'n'Folk où ils interviewent le mec qui les faisait tourner, Kid Congo aussi. Plusieurs interviews croisées comme ça, et le mec qui les faisait tourner, c'est incroyable, il raconte une anecdote incroyable. Ils étaient dans un van parce que les Ramones, il faut voir que c'était des lascars quand même, ouais, quoi. Ouais, et ils s'arrêtent dans une station service, ils commencent à prendre des chips, des trucs comme ça, et la nana de la station service, elle dit ah, c'est sympa de vous occuper de gamins attardés. Voilà, et bon, la blague à l'heure actuelle, que sont devenus les Ramones? Des t-shirts, ouais, c'est ça, ouais. Malheureusement pour youtubeurs en mal de rock'n'roll, c'est bien, ouais, de se présenter avec un t-shirt des Ramones. Oui, c'est ça. Puis il y a beaucoup de gens qui se revendiquent des Ramones, ouais, pas par la musique, hein, mais juste par l'allure. Et quatre gamins du Lower East Side, CBGB et toute la clique. Et j'ai eu envie de terminer cette émission par simplement un hommage aux Ramones. Il n'y a plus un vivant. Alors, ouais, les bouquins, on peut les conseiller. Il y a le bouquin qui s'appelle Please Kill Me. Il y a bien entendu Mort aux Ramones de Didier Ramon, qui est un livre essentiel de l'histoire du rock'n'roll. Oui, que m'avait filé Bob. Il m'avait dit lis ce livre et tu t'en remettras jamais. C'est une des biographies les plus incroyables de l'histoire du rock'n'roll. Donc, on termine gentiment. J'ai été content de passer cette soirée avec vous. Moi aussi, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait un bien fou. Merci Véro, merci David, merci Muriel. Heureux de se retrouver tous les quatre parce qu'on était bien seuls la dernière fois. Donc c'est parti, un hommage à Didi, Joey et toute la clique, donc les Ramones. On se retrouve dans 15 jours. Dans 15 jours, le 29 avril. Salut les amis, bonne soirée. Et bye. Oh, let's go. Let's go. Yeah. on the brat, beat on the brat, beat on the brat with the baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh. Beat on the brat, beat on the brat, beat on the brat with the baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh. Rock, rock, rock away, bitch. Rock, rock, rock away, bitch. Show me on the phone, this way, try to show.